vendredi 15 mai. C'est toujours un plaisir de le recevoir. JD qui vient faire son tour en studio. Comment ça va, JD? Ça va bien, il fait beau, il fait chaud. Les oiseaux gazouillent. Ça gazouille partout. Mais demain, il va pleuvoir puis il fera pas beau. Fait que, je sais pas comment. Je sais pas comment te dire, là, mais si toi, à gambader dans les prés, c'est cet après-midi ou jamais. Ah, hey, d'accord. Aujourd'hui, on fait comme plein de sujets en rafale. Il y a plein d'affaires dans l'actualité. Je saurais pas vraiment par où commencer, mais disons que ce matin, bonne nouvelle pour les automobilistes, le pont des Chaudières est prêt. Oui, on nous avait averti la semaine dernière aussi. Enfin, ça a été quand même très difficile parce qu'on sait que vous étiez une tonne à éviter ce pont-là, ce qui avait pour effet de bloquer encore plus les autres ponts. Alors, c'est fini. Votre matin de semaine va s'améliorer. Maintenant, au lieu de perdre une heure de votre temps sur un autre pont, vous pourrez perdre une heure de votre temps sur le pont Chaudière. Mais ça, c'est encore si tu le trustes. Ah, ben là... Ben, écoute, moi, là, il y a rien que je trustais moins. C'est drôle parce que trust en français, ça veut dire poutre, mais bon, évidemment. Mais il manque de poutre, justement. Ouais. Moi, là, quand tu fermes un pont... Oui. Ferme un pont, là. Il faut le faire en tabarouette, là. Ils ferment le pont des Chaudières. La structure n'est pas stable. Puis après ça, ils disent, oh, finalement, on a regardé ça. C'est correct, mais roulez pas plus que 40 km/h. Ouais. Ça, c'est toujours inquiétant. Je voterais pour la méthode Podiogour. C'est de mettre une date limite sur chacun des ponts. Puis comme ça, quand on dépasse la date, on a peur. Oui, on serait pas mal passé date dans tous les ponts. Mais bon. Hey, le CHIO. Oui. Qui va proposer une nouvelle solution pour briser l'isolement des jeunes petit patient. Ben oui, cute. Ben oui. L'hôpital qui a mis sur pied un réseau social virtuel, c'est un genre de Facebook, si tu veux, exclusif aux enfants de l'hôpital. C'est Baby Facebook. Exact. Et c'est sorti la semaine dernière et c'est une excellente nouvelle. Oui. Avoir des amis virtuels sera très bon pour des personnes qui autrement n'en ont pas, comme les enfants malades et Marc Bureau. Donc, c'est pas facile. Non, mais tu trouves-tu qu'il y a beaucoup d'amis? Tu viens de dire que les enfants malades n'avaient pas d'amis, c'est chiant. Parce que Marc Bureau, ça, je m'en fous, mais les enfants, c'est chiant, j'ai dit. Ben, c'est pas moi, c'est l'hôpital qui dit que c'est toujours plus difficile de tisser des liens quand on est tout le temps à l'hôpital. Alors voilà, on sort des murs de l'hôpital avec ce Facebook pour enfants malades. C'est cute. Et Marc Bureau. Il y a Google qui a eu certains problèmes. Ça a causé une panique. Ah oui, écoute, ça prend pas beaucoup. Après la grippe, il y a eu Google AH1N1, je pense, hier. Le géant américain qui s'est excusé, d'ailleurs, ce matin. Oui, je sais. C'était très drôle. Affecté par des gros problèmes techniques. Résultat, hier, bon, plusieurs effets secondaires. C'était lent, ça fonctionnait pas. On avait le goût de mettre un petit masque sur notre ordinateur pour au cas où il éternue. Plus de YouTube aussi, parce qu'on sait que YouTube appartient à Google. Et j'ai fait partie des victimes, figure-toi donc. T'es sérieux? Oui, je m'en remets tranquillement, là, mais c'est pas facile. Comment ça? Écoute, les symptômes étaient assez spécifiques dans mon cas. Je tapais un mot dans Google et ça me donnait le résultat contraire. J'en revenais pas. Et oui, c'est vrai. Par exemple, j'ai tapé Marie-Lou Saint-Onge. Ouais. Parce que je voulais vérifier une rumeur que j'avais entendue sur toi. Je sais pas si tu veux que je t'en parle. Ah ouais, donc? T'es à la tête d'une secte anti-carnivoriste pro-Crème Modwig. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai tapé ton nom et comme résultat, Google m'a donné des pages sur l'extrême timidité. Et ah, là, ben je oui. me suis dit, attends, là, ça marche pas. Alors, j'ai fait une autre recherche. J'ai tapé Jeff Chevrier dans Google Image. Et puis là, on m'a sorti une paquet de photos de nains. Et là, je me suis dit, fouette. Écoute, on va avoir un petit peu de plaisir avec ça. Alors, j'ai continué mon petit jeu. Dans Google, j'ai tapé Unité. Résultat, Conseil de ville de Gatineau. Ben oui, t'aurais aussi tapé Transparence. Tu serais tombé sur le même... En fait, Transparence, je suis tombé sur Robert Gertin. Fait que tu vois, c'est pas loin. J'ai tapé excitant, résultat, campagne municipale de Gatineau. Ça va l'être. Ouais, exactement. Quand est-ce qu'elle va démarrer pour vrai? Quand est-ce que Bureau va se présenter? Ça, c'est un autre débat. Non, la question qui demeure. Mm-hmm. Pitié, ça a donné Brian Mulroney. Il fait pitié. Efficacité bureaucratique, résultat, hôtel chez Henri. Mm-hmm. Qui a raison, qui a tort. J'ai tapé aussi, juste pour le fun, fan club du Parti libéral, et voilà, photo de Stéphane Gendron. J'en connais pas. Non, mais il aime Jean Charest, qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est vrai, oui, avec son hymne à l'amour à Jean Charest, oui. Qui est passé dans les annales de la radio. Exact, et annale est le bon mot. Et en terminant, j'ai tapé le mot retraite, résultat, Robert Labine. Alors, la suite, dans quelques semaines. Moi, là, je te dis, je te mets un 20 sur la table encore aujourd'hui, là. Oui. Tu fais erreur. Il fera pas une retraite. Il se lance en politique. Google qui me donnait le contraire quand j'ai tapé retraite. Oh, j'avais oublié le concept. Tu vois, écoute, c'est clairvoyant, ce site-là. Excuse-moi, j'avais perdu le concept. C'est pas grave. Hey, ça va pas bien à Musique Plus? Ça va assez mal à Musique Plus. Et il y a une douzaine de postes, qui vont être coupés. Ça, c'est-tu l'inverse, là? Ou non, on a changé complètement de sujet. Il faut dire que Musique Plus vit à une époque très différente de celle où il est né. Dans les années 80, c'était très, très différent. Là où les vidéoclips commençaient et tout le monde était, c'était la mode, là. Et c'est pas juste ça, c'est que à l'époque, c'était la seule façon d'avoir accès à un vidéoclip. Oui. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, etc. Et avec autant de mises à pied, la question, c'est est-ce qu'il va rester quelqu'un dans la boîte pour présenter les tunes? Et en fait, c'est pas vraiment une blague que je vous fais, c'est plus de l'ironie. On dirait que Musique Plus est en train de se transformer pour devenir la bibitte même qui est en train de la tuer. un gros iPod. Et c'est probablement ça qui va arriver à Musique Plus. Ils vont présenter de la musique, pas trop de présentateurs parce qu'on n'a pas de budget. Et ça va se transformer en iPod, ce qui est précisément en train de tuer Musique Plus. C'est vrai, t'as pas tort. Ouais. Mais de leur côté, TQS, qui a connu des déboires absolument épouvantables, qui met tout le monde dehors, là, finalement, décide de réembaucher la vieille team. Ben écoute, ça fait longtemps qu'on a entendu ça, réembaucher. On pensait que c'était pas avant. C'était plus accepté dans la langue française. Pas du tout. Gildor Roy revient à TQS pour tenir la barre de l'émission matinale. Un retour pour Guigui, qui a été un certain temps la barre de l'émission Caféine, on rappelle. Et on lui souhaite bonne chance dans son retour à TQS quand même, en espérant que le retour de Gildor Roy sera plus réussi que le retour de Benoît Gagnon. Ça, c'était mauvais, ça, finalement. Hey, on est au... comment ça s'appelait, le lounge? Oui, le lounge. Le radio lounge. Et je vous rappelle que pour l'instant, 110% est tourné dans les studios de Love Story. Hey, mais tu me niaises? Non, c'est vrai. Ils l'ont même dit au début de l'émission, jusqu'à, je pense, la fin de la saison. Depuis le début du mois de mai, ils tournent vraiment dans les studios de Love Story. Dans le confessionnal? Ah, Dieu seul le sait. Mais de toute façon, en plus, 110%, il y a des rumeurs, hein? Oui, que qu'ils ferment la shop aussi. Oui, ou que ça soit, je sais pas moi, réincarné dans un autre corps. Ça, on le saura probablement juste avant le mois de septembre. Et on sait que le mot TQS aussi sera peut-être décédé. Et on n'exclut pas de changer complètement l'image, y compris le nom, parce qu'on associe maintenant TQS à quelque chose de très négatif et pas de budget. Voilà, bonne décision d'affaires, je pense. Hey, tu veux revenir sur la circulation, parce que Pont McDonald Cartier, Avenue King Edward, toi, tu mettrais ça dans la section « Allez pas là ». Ben écoute, si vous êtes des habitués de ce coin-là, attention, vous devrez peut-être changer vos habitudes, parce qu'on apprenait il y a pas longtemps que les autorités voudraient réduire la vitesse limite dans le coin King Edward. On voudrait réduire de 10 km/h. Donc, dans ce cas-là, à l'avenir, sachez-le, vous devrez rouler à moins 10 km/h. Mais vraiment, c'est-tu nécessaire? Quand on est dans le trafic, on roule à quoi? 0, 5, maximum. C'est vrai, toi, tu passes par là à tous les matins, hein? Oui. Oh, c'est chanceux. Ben puis quand t'es dans la voiture, t'écoutes de la musique? Bien sûr. Musique? Coldplay? Ben, Coldplay. Écoute, Coldplay qui vraiment est attaqué de toutes parts. Quand ça va bien, qu'est-ce qu'on fait? On attaque un groupe et on dit, c'est moi qui l'ai composé, ce tune-là. Ben oui, mais ça marche-tu? Ben, écoute, catégorie, si la chanson avait pas été connue, est-ce que je poursuivrais pareil? Après Joe Satriani, il y a Youssouf Islam, alias Cat Stevens, qui accuse Coldplay d'avoir copié une de ses tunes pour pondre Viva la Vida. En effet, Youssouf dit que Coldplay lui a volé 7 éléments clés de la chanson, soit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Voilà. Hey, JD, toujours un plaisir de te recevoir le vendredi. Bon week-end. T'es comme mon bonbon de la semaine. Ben écoute, en plus du bonbon, t'as le lundi de congé, ma chère. Alors, ben je sais je pas. Je sais, le lundi? Oui. Superbe. Oui, yeah, OK. Hey, bye. Bon week-end.